Après une petite pause de quelques jours, on est de retour ce matin à danradiosport.com. On va vous livrer le bulletin de sport local et régional. Donc, on va vous parler d'abord de patinage de vitesse sur courte piste. Il y avait une compétition qui se déroulait à Roberval en fin de semaine. Il y avait une compétition interprovinciale qui regroupe des clubs de la Côte-Nord, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, ainsi que Portneuf et le Québec. Et la région quand même assez bien fait dans les circonstances. Notons dans le groupe 1, Simon Simard de Saint-Félicien, 12e position. À noter également que du côté des filles, groupe 1, Adriana Desbiens, Sainte-Ville de Saint-Félicien, 13e place. Lily Rose Tanguay de Saint-Félicien, 14e place. Groupe 2, c'est Oliane Dufour de Saint-Félicien qui a pris le 7e rang. Et Maëlle Gay de Roberval a terminé au 15e rang. Maintenant, on va parler du côté de la Ligue nord-américaine de hockey. On a fait connaître cette semaine les joueurs du mois dans la Ligue nord-américaine de hockey. Et Yannick Rientaud, des Marquis de Jonquière, a été nommé le joueur offensif du mois. Donc, en 8 rencontres, Rientaud a marqué 7 buts et a ajouté 11 passes. Du côté de Cédric Desjardins, des Marquis de Jonquière, il a obtenu le titre défensif du mois. Donc, au cours du dernier mois, l'ancien gardien de but du Canadien de Montréal et du Lightning de Tampa Bay a conservé une moyenne de buts alloués de 3,87 et un pourcentage d'arrêt de 900. Et en plus, il a remporté 5 victoires du côté des Marquis. Maintenant, on va parler du côté de la Ligue du Lac aux Fleuves. On a fait connaître les honneurs individuels de la semaine dans la Ligue du Lac aux Fleuves. La première étoile de la semaine, c'est Pierre-Luc Laprise qui a marqué 3 buts et récolté 4 passes. Cédric Doirion a terminé en deuxième place avec une position de 2 buts et une passe. Et Jonathan Fleury du multiconcessionnaire de Dobbo-Mississigny a obtenu la troisième étoile. Il a obtenu une fiche de 2 buts et une passe. Le sport local et régional à danradiosport.com, la référence du sport, on s'en occupe.